X. Je crois que quand Gustin il était en vie, ils étaient mieux. Mm-hmm. Et après, quand il est mort, ça a un peu dégringolé, mais ça va encore. Dans d'autres BD, est-ce que tu trouves que c'est normal si, par exemple, Bug Dany ou alors les Black et Mortimer Moi, les autres BD, ça me dit pas beaucoup. Je lis quelques-unes de Kids Paddle, mm-hmm. mais surtout des mangas, quoi. Ah oui. C'est pas... les BD, ça va, mais... Ok. C'est pas mon point d'intérêt. 070-233-622. Et les libraires, qu'en pensent les libraires? C'est des libraires qui nous écoutent, 070-233-622, même si évidemment en termes de machine à sous, on a plutôt tendance à se frotter les mains, quoique. Alors, on s'est déjà servi de Reynolds, de la librairie Bruxelles à Bruxelles, comme personne ressource dans la zone libre. Reynolds, salut. Salut Pompon. Alors d'abord la question, il y a deux questions en une en fait. Hein. Première question, la question étroite, que pense de ce peut-être ultime Astérix, et puis question plus large, les héros, peut-on tout faire avec des héros de bande dessinée? Peut-on continuer à les faire vivre après la mort de leur créateur ou d'un des deux créateurs? Mm-hmm. Voilà, vaste question, j'imagine. Quel est ton point de vue? Écoute, mon point de vue est un peu tranché et un peu mi-figue, mi-raisin. C'est clair que le dernier Astérix, pour moi, est un album qui n'a pas de nom. Je crois qu'on tient là le plus mauvais bouquin de l'année, ça c'est clair. Personnellement, je dois t'avouer que, vu la surproduction actuelle, je consacre mon temps à d'autres lectures. Donc je ne l'ai pas lu, je l'ai parcouru en diagonale. Ce que j'en ai vu m'a suffi. Je veux dire, je suis toujours dégoûté de la galère d'Obélix, qui avait été déjà, je trouve, un sommet de la niaiserie et de la bêtise. Quand on a lu, toute la verve d'un Goscinny, moi quand j'étais gamin, le Tour de Gaulle, ça m'a fait rêver. Celui également chez les Belges m'a fait beaucoup rire parce qu'il y avait plein de clins d'œil que je connaissais. Dans ce dernier album, on a l'impression d'assister à un discours, on peut dire, d'un vieux con, qui ne pige pas ce qui se passe autour de lui et qui aimerait bien que tout reste comme avant et que surtout il faut rien changer, quoi. Donc de là on rejoint un peu le débat sur faut-il que les héros survivent à leur créateur. Ben, en fait le débat est un peu à double tranchant. Je dirais d'un point de vue qualitatif, c'est clair qu'on arrive difficilement à conserver la qualité qui a fait un peu la quintessence d'un personnage ou d'une œuvre. On voit mal Gaston Lagaffe repris par Baptême, par exemple. Oui, c'est clair que quand on voit ce qu'il est devenu du Marsupilami, je trouve qu'on s'endort au bout de trois pages, quoi. Même si Baptême a un certain graphisme passionnant, je veux dire, ça reste, il n'y a pas la magie qu'il y avait dans la création première du personnage, du héros. On a l'impression que tout était un peu dit et qu'on tire un peu sur la ficelle. Ceci dit, là c'est le libraire qui va parler, c'est clair que quand une série, ultra connue paraît, une série qui a toujours du succès, on pense à Astérix, on pense à 13, qui peut-être un jour changera d'auteur, on ne sait pas. On pense également à Blake et Mortimer, on pense bien sûr à Alix. Je veux dire, toutes ces séries, ce sont quelque part, pour la grande majorité des lecteurs, des repères. C'est clair qu'ils ont l'habitude, ils connaissent, et c'est clair que dans un monde foisonnant comme celui de la bande dessinée, où il y a plus de 2000 nouveautés qui paraissent actuellement, le lecteur est perdu. Et là, l'intérêt d'une série phare ou d'un nom, tout simplement, rassure. Et c'est clair qu'on trouve des clients qui, en musique, écoutent des choses pointues, qui, en cinéma, vont voir le dernier Ken Loach, ou vont plutôt à l'Actors qu'à l'UGC de Brooker, mais qui, en BD, vont acheter le dernier truc ou le dernier bazar qui est vraiment du mainstream total. Alors c'est clair que ça rassure, mais ça rapporte aussi pas mal aux éditeurs. C'est clair que pour beaucoup de ces titres, les ventes sont derrière, donc ça rapporte de l'argent. Et le but, normalement, premier d'un éditeur, c'est d'utiliser cet argent pour lancer de jeunes auteurs. Mmh. Mais c'est clair que dans des maisons d'édition comme Dargo, par exemple, Dargo, c'est clair, on maintient des séries genre Blueberry, la jeunesse de Blueberry, Blake et Mortimer, hein, qui est vraiment leur grand succès. Je veux dire, on n'a jamais vendu autant de Blake et Mortimer que maintenant, alors que du vivant de Jacobs, c'était une série qui ne connaissait pas un succès fulgurant. pour d'autres raisons, certes, mais il n'y avait pas ces grosses ventes. Eh bien, Dargo utilise ça pour publier d'autres auteurs, pour publier des jeunes séries. Ils vont chercher des auteurs dans les écoles. Ils ont créé aussi une division manga qui s'appelle Kana, qui est une émanation directe de Dargo Benelux. Donc l'argent est utilisé, je veux dire, à bon escient. Un autre éditeur comme Casterman, par exemple, fait un peu la même chose. C'est clair que c'est pas passionnant de lire le dernier Alix, c'est pas passionnant de lire le dernier machin de Lefranc ou de Jacques Martin, mais à côté de ça, ben, ils publient des petits trucs comme les Perrault, comme les Chosy, comme, je sais pas moi, ils rééditent des Giardino, des choses comme ça, qui ne sont pas des séries qui génèrent beaucoup d'argent. Donc, quelque part, ces locomotives, je ne parle pas du point de vue qualitatif, mais quantitatif, permettent à l'éditeur de sortir d'autres choses. Dans le cas d'Astérix, c'est un peu différent, parce que bah oui. Astérix, ben, dans le catalogue, à part quelques Jean Pistolet, et encore je ne sais pas s'ils sont encore édités, il n'y a rien d'autre. Et là, on parle, enfin, moi je crie vraiment au gâchis, parce que Uderzo et les personnes qui l'entourent ont vraiment utilisé la presse belge pour monter en épingle la sortie du nouveau bouquin. Je veux dire, la seule chose qu'on a pu savoir au bout d'une conférence de presse marathon où il y avait tout le monde qui faisait véritablement amende honorable face au maître, c'est qu'on a retiré un titre et on n'a même pas pu voir l'intérieur du bouquin. Et là, je trouve qu'il y a eu supercherie, parce que c'est clair que quand on voit le bouquin, je veux dire, faut pas être un grand lecteur de bande dessinée pour se dire que là, on touche le fond, quoi. C'est pas du tout l'esprit d'Astérix, c'est pas du tout ce qu'on connaît. Ça ressemble à une espèce de délire comme ça. Peut-être que Albert Uderzo aime bien les champignons, je ne sais pas. Il en mange peut-être beaucoup, mais tu vois, c'est quelque chose qui tu te dis. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Ce type, c'est un type qui est multimilliardaire, je crois que tout le monde le sait. Grand collectionneur de Ferrari, pourquoi pas ? Et pourquoi faire ça ? Je veux dire, notre ami Hugues Daillé avait eu des mots justes pour définir la sortie de ce bouquin. Et c'est clair que, pour moi, il y a trahison. Moi, maintenant, en tant que libraire derrière le comptoir, est-ce que non. Est-ce que ça part toujours Non. Je veux dire, est-ce qu'il part bien le dernier Astérix? Non, pour moi, le dernier Astérix, je ne le vends pas plus que celui qui est paru juste avant, qui était la rentrée gauloise, qui était en fait une compilation de petites histoires qui étaient parues dans le pilote et il y avait un petit inédit. Je veux dire, chez Bruxelles, on a une image qui est un peu plus pointue au niveau de la BD, ce qui fait que l'Astérix, on va en vendre, comme j'en avais parlé sur une autre antenne, on va en vendre, j'avais dit à l'époque, on va en vendre 150, là on est à 137, donc l'objectif est presque atteint. Mais pour te donner une idée, un bouquin comme Le Photographe de Guibert, on en vend entre 800 pour le premier et 550, je crois, pour le deuxième. Donc rien à voir, évidemment, avec les démarches des grandes surfaces. Quoi. Voilà, donc tu vois, moi, quand le représentant vient me proposer le dernier Astérix, j'ai l'impression qu'il me vend la dernière merveille du monde. Je dis, mais je suis pas dupe, quoi. Je lui dis, écoute, ça sert à rien. Oui, maintenant, est-ce qu'il y a une pression des lecteurs qui arrivent dans la librairie en disant, je veux quand même absolument le dernier Astérix, même si je vais déçu. Ou est-ce qu'il y a un bouche à oreille négatif qui est en train de circuler? Il y a un bouche à oreille négatif, clairement, quoi. C'est sûr que les quelques mots qui ont été prononcés à la télé sur la RTB ont vraiment désacralisé quelque part cet album. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui achètent, je sais pas moi, le dernier Alix, Roma, en se disant, bon allez, j'ai tous les autres, pourquoi pas celui-là. Mais quand on achète l'Astérix, on a l'impression qu'il y a une espèce de doigt inquisiteur qui vous montre en disant, mais regardez, malgré ce qu'on en a dit à la télé, malgré tout, ce type l'achète quand même. Et résultat, chez nous en tout cas, le bouquin ne part pas spécialement bien. D'ailleurs, ici, pour les fêtes de fin d'année, vu qu'il y a d'autres nouveautés qui vont encore paraître, notamment celle qu'on attend beaucoup, c'est l'intégrale du Cri du Peuple de Tardy, ou alors le dernier Black Sad ou le Comte de Scarbeck de Rosinski. Bon, ben, ces albums vont tout de suite détrôner le dernier Astérix. Je ne vois pas pourquoi on ferait un produit de présentation juste quand on rentre dans la librairie avec un bouquin qu'on n'aime pas et qu'on ne vend pas spécialement bien, quoi. Donc en fait, voilà. Ça risque d'être un peu le bide pour la société d'édition Uderzo, parce qu'ils ont quand même tiré ça à plusieurs millions d'exemplaires. Oui, on parle de 3 millions pour le monde francophone. Oui, je crois que la presse à pilon va fonctionner sur un titre comme ça, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une force véritable de la diffusion qui a vraiment voulu en mettre partout. On a utilisé vraiment la conférence de presse, la venue du Derzo spécialement en Bruxelles, l'exposition qui a Tour et Taxi sur le monde d'Astérix pour faire attention, événement exceptionnel. Notre ami Derzo débarque en Belgique, on va voir ce qu'on va voir, on va lui en mettre plein la vue, comme s'il attendait encore après ça. Et résultat, alors qu'on partait sur, enfin moi je partais sur une quantité à l'office, de 200, comme ça on était tranquille, et on était sûr que la pile restait plus ou moins visible, le diffuseur a tout fait pour qu'on en prenne deux fois plus, en nous disant ça sera le dernier, il y a la conférence de presse, le précédent c'était pas vraiment une BD, c'était un recueil de petites histoires. Bon, on a eu droit à des conditions spéciales, vraiment c'était l'effervescence et tout. Résultat, je fais mes comptes quasiment un mois après que l'album soit sorti, j'en vends pas plus. J'en vends pas plus, alors que l'énergie a été mais décuplée. Je veux dire, ça... l'énergie marketing, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que contrairement à ton émission, dans la plupart des émissions de BD, la bande dessinée n'occupe pas une place très importante. Résultat, si on prend par exemple 5 minutes au JT ou sur une autre radio ou je ne sais pas pour parler de la BD et qu'on parle d'Astérix ou qu'on parle par exemple du dernier chat, eh bien, même s'il y a la toute dernière BD exceptionnelle qui vient de sortir, il y a plus de place parce qu'on se dit mais attendez, on a déjà parlé de la bande dessinée et là on ne fait pas dans le détail que l'album soit médiatique ou pas, qu'il soit bon ou pas. Je veux dire, les antennes ne sont pas ouvertes, je veux dire, aux médias. Et ça, c'est ce qui est vraiment préjudiciable, c'est qu'on en parle tellement pour un résultat qui, somme toute, est totalement décevant. Et bon, moi, je ne lirai pas de bande dessinée comme je le fais dans ma vie tous les jours. J'entendrai parler comme ça d'une BD, de la dernière Astérix, le dernier Astérix. Je me laisse légèrement influencer, je vais acheter le bouquin, je le lis, et je me dis, mais attends, c'est ça la bande dessinée qu'on nous parle à la télé? Mais c'est de la merde. Donc résultat, la prochaine fois qu'on en parlera, je l'achèterai plus. Et je pense qu'il y a vraiment, je trouve, c'est un peu du foutage de gueule, on peut le dire, c'est, on prend les gens pour des cons, quoi. Oui, Alex? Oui, je voulais te demander, Reynold, toi qui as pas mal de connexions avec tes confrères à travers un peu toute l'Europe, etc., je voulais savoir si c'était, ces critiques comme quoi c'est de la M, comme tu disais, est-ce que les critiques sont identiques dans les autres pays? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que aux États-Unis, je ne sais pas si ça paraît là-bas, mais bon, au Québec, en Suisse, bon. Exactement. Est-ce que on n'est pas à nouveau le dernier village qui essaye de résister et on est un peu plus dur que les autres? Certainement. Aux États-Unis, l'approche d'abord n'est pas du tout la même par rapport à la BD franco-belge. Je veux dire, là-bas, c'est un petit côté exotique et c'est clair qu'un Astérix. Il n'y a pas la culture qu'il y a derrière, je veux dire, on ne lit pas Astérix quand on a 6-7 ans et les bouquins sont lus comme ça pendant toute la vie. Je crois que ce sont des bouquins que les gens découvrent au fur et à mesure, et le fait que l'album soit bon ou moins bon, qu'il soit écrit par Goscinny ou pas, je pense que ça n'intervient pas énormément, effectivement. Quoi. Je veux dire, effectivement, ici en Belgique, on est vraiment tout le temps dedans, on est un peu des coques en pâte pour ça, on a droit aux médias, non, effectivement, je veux dire, mais Astérix, c'est un peu un événement à part, parce que c'est un des seuls avec Tintin, qui soit véritablement traduit dans plein de langues. Et résultat, c'est clair qu'il y a une espèce de filtre qui ne se fait pas à l'étranger. C'est clair que c'est une traduction déjà, mais c'est un peu comme la bande dessinée ici. Je veux dire, on va accorder plus de crédit à critiquer un dernier bouquin paru par un auteur soit du pays ou soit de France ou à la limite d'Italie. Mais bon, quelles sont les critiques qui parlent du dernier Mark Ryden publié aux États-Unis ou du dernier George Pratt? Personne. Mais ça veut dire quoi? Qu'en fait, notre bon vieux Astérix est devenu, à l'étranger, quasiment du McDo, quoi. Oui, c'est ça. C'est un truc, comme je disais tout à l'heure, qui rassure. C'est, voilà la dernière parution de nos amis français, le dernier Astérix, bien que la moitié des gens pensent qu'il est belge aussi. Ça, c'est rigolo. Donc c'est bien la preuve que, une fois qu'on passe les frontières de notre petite francophonie, à la limite peut-être de l'Europe, est-ce que Astérix est vraiment français? Est-ce qu'il est vraiment belge? Je crois que les gens s'en foutent, quoi. Je crois que pour eux, c'est une espèce d'amalgame. Ça vient de là-bas, ça vient du pays des petits Mickey, ça vient du pays de Tintin. Et c'est clair que nous, on a beaucoup de touristes. Les Schtroumpfs, pour eux, c'est américain. Alors, dis non, c'est belge. Ah, je pensais que c'était français. C'est comme Astérix. Ah non, Astérix, c'est français. Ah oui, comme Blake et Mortimer. Non, Blake et Mortimer, c'est belge. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle vraiment une espèce d'école franco-belge, comme ça, qui, au-delà de nos deux frontières, est une espèce de grand mystère, je crois, pour beaucoup de pays, surtout pour le monde anglo-saxon ou le monde scandinave. À la limite, l'approche de la BD est déjà différente. La BD là-bas, c'est récréatif, c'est quelque chose qui doit distraire, surtout avec un dessin comme celui de Uderzo. Chez nous ici, Uderzo, on lui met la pression parce que c'est quand même un grand auteur, c'est un type qui a fait des merveilles. Les bons mots de Goscinny nous ont tous fait rire, petits, ados et grands, parce qu'il y a différents degrés de lecture. Je ne pense pas qu'un lecteur étranger perçoive de la même manière ce genre de finesse. Je crois qu'il lit l'histoire comme un délassement, point barre. Bon, Reynold, en tout cas, merci beaucoup. Voilà pour ces commentaires. Bonne suite du débat, en tout cas. Merci. Mais c'est dit, voilà, c'est un avis un peu étrange parce que je suis à la fois pour ce que ça implique et à la fois contre pour ce que je lis, quoi. Donc. Voilà. Effectivement, c'est une sorte de cynisme qui est que, ok, il y a des séries vedettes qui valent pas tripette, mais ça rapporte plein d'argent, qui permettent de découvrir des jeunes auteurs à côté. Voilà. Bon, en général, puisque le cas d'Astérix, évidemment, c'est l'auteur qui s'auto-édite. Oui. Et voilà, il sera après tout ça, en fait, on va peut-être se dire qu'il sera un peu moins multimilliardaire qu'avant. s'il faut louer des gigantesques entrepôts. Oui, je pense que. Pour empiler tous les invendus. Bon. Mais les entrepôts seront en Suisse. Mais ça fera partie d'un grand calcul savant. Vous savez, les fans du marketing et de la diffusion ont certainement déjà prévu tout ça, quoi. Ça doit rentrer dans les calculs, c'est certain, quoi. Merci beaucoup, Reynold. À bientôt. Bonne soirée. Salut.